Vautrin entraîne ensuite Eugène dans le jardin de la pension. Il prouve à Eugène qu'il a besoin au moins d'un million pour satisfaire ses ambitions. Il se fait fort d'obtenir ce million pour Eugène à deux conditions. Qu'Eugène accepte d'épouser Victorine Taillefer avec ses 800 000 francs de dot et qu'il verse à Vautrin une commission de 200 000 francs qui lui sont nécessaires pour aller mener une vie de patriarche aux États-Unis, par exemple. Vautrin se charge en effet de faire tuer le frère de Victorine, à cause duquel elle est privée de dot par son père. Quelle tête de fer a donc cet homme, se dit Rastignac, en voyant Vautrin s'en aller tranquillement, sa canne sous le bras. Il m'a dit crûment ce que Madame de Beauséant me disait, en y mettant des formes. Eh bien non, je veux travailler noblement, saintement, je veux travailler jour et nuit, ne devant ma fortune qu'à mon labeur. Ce sera la plus lente des fortunes. Mais chaque jour, ma tête reposera sur mon oreiller sans une pensée mauvaise.